C'est parti, mon groupe, on me suit. Pas à port. On va tous se rapprocher au maximum. Ici, c'est le couloir que vous emprunterez quand vous voulez faire du sport la plupart du temps. Voilà, là-bas, c'est la sortie du sport. On repart, c'est parti. Là-bas, ici, très important. Ici, c'est la vie scolaire. En gros, l'année prochaine, c'est ici que vous me verrez la plupart du temps ou dans les couloirs. Donc ça, c'est notre bureau. Donc dès que vous avez un problème, c'est ici qu'il faudra venir. C'est un espèce de labyrinthe géant. Moi je trouve il est trop bien. J'ai trop envie de passer en 6ème là. C'est trop chaud. Et vous savez, il fait exprès de faire son collégien. Là. Il est en CM2, il croit que les collégiens ça dit yo tout le temps. Les collégiens ça peut rester un enfant très longtemps aussi dans la tête. Hein. J'ai peur d'oublier certaines choses que je trouve bien maintenant et que je trouverai peut-être pas bien plus tard. Au début ça va être un peu. Un peu difficile, mais on va s'y faire. On va finir par s'y faire. Il y a tellement de salles, de portes, de machins, de trucs et tout, que j'arriverai jamais à tout retenir, les numéros et tout. Moi, je suis juste un peu triste de quitter l'école primaire. Donc, c'est notre dernière année. Même si on pourra les revoir, on fera plus les cours. Et ça a beaucoup changé, on aura plusieurs profs. Des fois, si on est en retard, on aura des mots. J'ai hâte en même temps, mais je suis un peu triste de quitter l'école primaire. Je pense que le premier jour serait complètement perdu, donc je filme ma copine qui a tout le bruit. Mais qui a dit que j'étais trop forte? C'est très excitant de venir, d'aller dans la cour des grands, quoi, pour de vrai. Avant, je les voyais quasiment comme une autre personne, les collégiens. Mais maintenant, je vais devenir collégien. J'ai trop hâte d'être au collège, ça va être génial. En plus, il est très grand. Et oui, il est beau, tout est en bois, et de ce qu'on m'a raconté, il va être beaucoup mieux que celui d'avant. Du coup, je suis contente d'inaugurer ce collège, parce que je serai la première avec tous les autres CM2 d'y rentrer, et ça va être cool. À la kermesse de l'école, on a chanté « Hello, goodbye » pour dire « Hello » au collège et « Au revoir » à l'école primaire. You say yes, I say no, you say stop. And I say go, go, go. Oh no. You say goodbye. And I say hello. Hello, hello. I don't know why you say goodbye. I say hello. Hello, hello. I don't know why you say goodbye. I say hello.